Quand on demande à Claude Chabrol comment il travaille, voici sa réponse. Je travaille assez en famille. Sur mon dernier plateau, il y avait ma femme qui était ma script, ma fille qui était mon assistante, mon fils qui faisait le couillon parce qu'il aime bien faire l'acteur. Il avait un rôle, je ne sais pas si vous avez vu L'Enfer, mais il faisait le barman. Je lui avais donné le rôle parce qu'il avait une scène torride dans la cave avec Emmanuel Béard. Il était très content. Et j'ai mon fils Mathieu qui a fait la musique. Donc on pourrait s'imaginer que la famille dans les films de Chabrol se porte bien. Et c'est l'inverse. Dans le cinéma de Chabrol, la famille, c'est souvent l'enfer. Pour reprendre le titre du film réalisé en 1994, un an avant La Cérémonie. Un enfer qui ne se présente pas tout de suite comme tel. Un enfer qui parfois ne décrit pas les relations entre les personnes, mais l'issue qu'ils connaîtront. Trahison, vengeance, viol, empoisonnement. Et qui n'exclut pas la tendresse, la complicité et même, faut-il oser ce mot, l'amour. Dans La Cérémonie, film adapté d'un roman de Ruth Rendell, L'Analphabète, la famille Lelièvre se porte bien dans sa grande maison en Bretagne. Mais ils finiront massacrés sur fond d'opéra. Et puisqu'aujourd'hui ce sont les assassins plus que les victimes qui nous intéressent, voici donc la scène du massacre. À vous de deviner qui est, qui sont les coupables. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Georges, j'ai l'impression que la poste tirée là. Tu crois? Je vais voir. Laisse-tu donner sa soirée d'adieu. J'en ai pour une minute. Dépêche-toi, tu vas rater le début du deuxième acte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous allez me faire le pied de police à tout de suite et dégarpir au plus vite. Sinon j'appelle la police. Vous avez dit de ne pas remettre les pieds ici. Ben voilà un qui aura plus mal aux dents. Qu'est-ce que c'est? Non, il y a un coup de feu. Mais non, c'est la poussière qui s'en va, la vieille caisse pourrie. Et mon mari? Il est mort, votre mari. On a bien fait. Va falloir que je m'en aille. Tu sauras comment faire. Oui, je vais tout ranger. Après, faudra que t'appelles la police. Tu leur diras que t'as tout trouvé comme ça. Oui, ils pourront rien prouver. Tiens, je prends ça. Ça me tente. C'est Melinda. C'est Jérémy qui lui a offert pour son anniversaire. Bah justement, elle n'aura plus besoin. Bonjour Caroline Aliachef. Bonjour. Bienvenue sur Les Chemins de la Philosophie. Vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste, et c'est vous qui avez écrit la scène que nous venons d'entendre. Tout à fait. Le scénario du film La Cérémonie. Absolument. Alors, je dois préciser que j'ai écrit le squelette que j'ai donné à Claude. Et ce qui est très intéressant avec Claude Chabrol, c'est qu'en fait, il n'a pas besoin de scénariste. Claude s'est parfaitement écrire des scénarios. Il l'a fait dans plusieurs films. Et donc, c'est assez agréable d'écrire quelque chose pour quelqu'un dont on sait qu'il sait le faire. Mais il n'aime pas tellement ça. Ce que Claude appréciait le plus, c'est le moment du tournage. Mmh. Et donc, quand il confiait le scénario à quelqu'un, finalement, c'était peut-être un petit peu par paresse. Il aimait bien que, voilà, on lui fournisse quelque chose. Et moi, ce que je lui ai fourni, c'est le squelette. Et ensuite, une fois ce squelette dans ses mains, c'est quelqu'un qui recopiait recopiait ce qui était écrit dans le squelette pour y ajouter de la chair, c'est-à-dire d'une part des choses qui venaient de lui, et aussi ça lui permettait de mettre en scène. Mmh. Voilà. Mais pourquoi a-t-il fait appel à vous en particulier pour ce film dont j'ai dit qu'il était une adaptation d'un roman qui existait, Ruth Rendell, L'Analphabète, qui commence d'ailleurs la première phrase dévoile l'intrigue puisqu'on sait que la bonne va assassiner la famille pour laquelle elle travaille. Est-ce que c'est parce que vous êtes psychanalyste et donc il voulait cette approche-là? Pas du tout. Alors Claude était pas du tout intéressée par la psychanalyse. C'était, bon, d'abord, nous nous connaissions bien et c'était pas du tout. Voilà, ça l'intéressait pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Marine Karmitz est le producteur de ce film et donc Claude lui a apporté ce livre en lui disant « Est-ce que tu penses que ça serait bien d'adapter ce film ?» Et comme voilà, j'étais là, c'était assez évident que j'allais le lire aussi. Mmh. Et donc, effectivement, je l'ai lu. Et quand j'ai vu Claude, je lui ai dit « Écoute, tu sais, je connais très bien le problème de l'analphabétisme. Je travaille sur ce sujet depuis très longtemps. Et donc, si tu as besoin que, voilà, que je te donne quelques conseils sur ce sujet, demande-moi. » Pour moi, mon rôle était terminé. Et puis, 15 jours plus tard, il a déjeuné avec Marine Karmitz et il lui a dit « Est-ce que tu penses que Caroline voudrait écrire le scénario ?» Je veux dire que j'étais assez surprise. Et voilà, moi j'aime bien ce qui est nouveau. Je prenais pas grand risque en réalité. Et donc j'ai dit, ben pourquoi pas, je vais essayer, on va voir. Mais c'est pas du tout parce que j'étais psychanalyste qu'il m'a demandé ça. Il a eu tout à fait raison, parce que le psychanalyste n'est pas particulièrement préposé à écrire des scénarios. Non, c'est vrai. Et pourtant, l'univers de Claude Chabrol, et ce film en particulier, peut paraître un terrain extrêmement propice à l'analyse. Alors, à la psychanalyse, je sais pas, mais on a envie de connaître, d'en savoir plus sur la psychologie des personnages dont Claude Chabrol ne nous dit rien. Absolument. Et de savoir ce qui conduit ces femmes à commettre un meurtre. Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, la psychanalyse peut donner une cohérence. Voilà, ça, je pense que c'est très important. Mais l'écueil, c'est de vouloir expliquer cette cohérence. Et c'est là où il faut quand même avoir une connaissance aussi du cinéma, car il ne s'agit absolument pas de mettre de la psychologie. C'est juste de la cohérence. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant, ce que je veux dire. Parce que cohérence, ça ne veut pas dire forcément rationnel, d'ailleurs. Cohérence, c'est proposer des personnages qui peuvent ressembler à des personnes réelles, au fond. Exact. Non seulement qui peuvent ressembler à des personnes réelles, mais dont les actions sont cohérentes avec leur structure. Ouais. Mais il ne s'agit absolument pas, et ça pourrait être le défaut d'un psychanalyste, si vous voulez, d'expliquer les choses. Et donc, il faut comprendre que au cinéma, cette cohérence s'exprime par les corps et pas par le dialogue. Il ne s'agissait absolument pas de faire un film dit psychologique. Mmh. De toute façon, Claude l'aurait certainement pas accepté. Et voilà, c'était ça qui était intéressant pour moi, c'est comment on fait pour montrer à l'écran une cohérence psychologique. Je vous donne juste un exemple concret. Si on veut dire à un moment les deux personnages, donc exprimés par Isabelle Huppert et Sandrine Bonnaire, il est très donc Sandrine clair. Bonnaire joue le rôle de la bonne, on reviendra exactement sur ce terme, oui, oui. Et Isabelle Huppert de la factrice, exactement, un peu déjantée, exactement. Les deux vont se rencontrer. Et pour comprendre ce qui va se passer, il faut comprendre qu'à un moment, elles ne font plus qu'un. Comment on montre qu'elles ne font plus qu'un au cinéma? On ne va pas dire « elles ne font plus qu'un », c'est stupide. On les voit donc dans la chambre de Sandrine Bonnaire et elles sont collées l'une contre l'autre. On voit bien qu'elles ne font plus qu'un, mais on ne dit pas qu'elles ne font plus qu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire que vous écrivez aussi, écrire un scénario, c'est aussi écrire ce genre de choses, écrire exactement des images. Exactement, exactement. Et pas de la psychologie. Voilà. Mais évidemment, quand je dis j'ai donné à Claude Chabrol le squelette, ça voulait dire qu'il y avait une cohérence psychologique imparable. Même si lui ne la reprend pas forcément, c'est pas grave ça, mais elle y était. Alors on va essayer de voir comment se déroule ce film La Cérémonie, ce que signifie ce terme, on va le dire dans un instant. D'abord, je vous propose qu'on retrouve le film au début, une rencontre entre Sophie Bonhomme, jouée par Sandrine Bonnaire, pardon, oui. Et donc cette Catherine, jouée par Jacqueline Bisset, qui cherche à embaucher quelqu'un. Voici la première scène du film et la question immédiatement soulevée par cette première scène et par l'intrigue du film à laquelle répond Claude Chabrol de cette manière. Je m'amusais à dire à Isabelle que c'était le dernier film marxiste, mais je ne suis pas marxiste personnellement, alors c'est amusant de faire le dernier film marxiste quand on n'est pas. Oui, je crois que c'est un peu politique. Mademoiselle, vous êtes Sophie Bonhomme? Oui, madame. Alors, je suis Catherine Lelièvre. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, madame. Vous voulez voir quelque chose? Un thé comme moi? Non, ce n'est pas la peine. Mais si. Un autre thé, s'il vous plaît. Bon, bah, il faudrait que je vous explique la situation. Nous habitons une maison un peu isolée, près d'un gros bourg, à une dizaine de kilomètres d'ici. C'est assez grand, je vous le cache pas. Mais en fait, nous ne sommes que trois. Ma belle-fille ne vient que le week-end, et encore, pas tous. Nous recevons de temps en temps, ça fait du travail supplémentaire. Et la maison est très bien équipée. Je n'ai pas peur du travail, madame. En général, c'est moi qui fais la cuisine. Mon mari rapporte les courses une fois par semaine, ou bien on passe la commande par Minitel. Donc vous serez libre assez tôt. Je sais faire la cuisine. Ah oui. La maison est assez difficile à trouver la première fois. Je viendrai vous chercher à la gare. Vous êtes renseigné sur les heures de train, vous savez à quelle heure ils arrivent? À 9h. 9h du matin. Bon, bah, ça serait possible quand? Mardi? Mardi? Oui. Oui, mardi. Aujourd'hui, on est quoi? On est samedi. Ça vous laisse dimanche et lundi. Ça ira? Oui, mardi, c'est très bien. Merci, madame. Bon, bah, au marché conclu. À mardi. Madame Dutoit me payait 5005. Oh, excusez-moi. 6000? Ça va. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, nous parlons de Claude Chabrol cette semaine et aujourd'hui de son film La Cérémonie en compagnie de la scénariste de ce film, Caroline Eliachef. La scène que l'on vient d'entendre campe le décor, on a vraiment deux univers différents qui se rencontrent, la bourgeoisie d'un côté et puis la travailleuse de l'autre, si bien qu'on a voulu faire de ce film, et Claude Chabrol n'y est pas pour rien, quoi qu'il s'en défende, un film sur la lutte des classes, un film marxiste. Dans l'archive qu'on a entendu, il dit au contraire, bah écoutez, non, j'ai jamais été marxiste, donc c'est pas mon dernier film marxiste. Mais il a bien prononcé cette phrase. Alors qu'en est-il, Caroline Eliachef? Oui, alors effectivement, c'était un petit peu un jeu pendant le tournage où il disait c'est un film marxiste. C'est-à-dire que la différence des classes, elle est évidente et elle est marquée. Il y a plusieurs marqueurs. Peut-être on y reviendra. Mmh. Mais la question dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de lutte. Il y a deux classes sociales, mais il n'y a pas de lutte des classes. Mais il y a un massacre. Oui. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'elles ont assassiné par jalousie ou par... Donc, ça, c'est toujours ce qu'on présente dans ce genre de massacre. Mmh. L'extérieur le présente comme une lutte des classes et concernant la structure des personnes qui ont massacré, mmh, en fait, c'est une structure paranoïaque qui se porte sur la classe supérieure. Mais voilà, c'est-à-dire que tous les gens qui luttent, hein, ne vont pas massacrer la classe supérieure contre laquelle ils luttent. Donc il y a une différence entre la perception extérieure de ce genre de meurtre où effectivement on dit c'est la lutte des classes et la réalité psychique, mmh, la réalité psychique des personnes qui exécutent. Mais c'est intéressant parce que c'est ce qui fait que ce genre de situation devient paradigmatique d'une époque. Mmh. Hein? Voilà. Donc il faut une structure psychique et il faut le paradigme d'une époque. Et là, dans cette situation particulière, le paradigme de l'époque, c'est l'analphabétisme. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres marqueurs. Qu'est-ce qui marque la différence des classes? L'extrait que vous avez passé est intéressant, mais il est surtout intéressant quand on le voit. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit donc cette femme bourgeoise, etc., assez classique, etc. Et en face, qu'est-ce qu'on voit? On voit une Sandrine Bonner qui est totalement figée. Dès le départ, on se dit c'est bizarre, elle ne sourit pas. Elle n'a aucune expression. Claude Chabrol disait qu'elle ressemblait à un poireau dans ce jeu. Et qu'une fois, si on a le poireau en tête et qu'on regarde le film, on voit un poireau dans exactement le jeu. Exactement. Donc, il y a immédiatement quelque chose de bizarre. C'est pas seulement parce qu'elle n'est pas de la même classe sociale. Elle est, non, elle est mal à l'aise. D'emblée, elle est plus que mal à l'aise. Elle est totalement figée. Hein? Donc, d'emblée, ça introduit quelque chose où on se dit, tiens, c'est un peu bizarre. Voilà. Oui, il y a l'irruption d'une forme d'étrangeté. Oui, tout de suite. Y compris dans la scène qui suivra où Jacqueline Bisset va la réceptionner à la gare et en fait elle ne descend pas du train et elle se rend compte qu'elle est déjà là de l'autre côté. Exactement, donc on se dit... C'est comme une manière de reprendre un peu le pouvoir, hein, voilà. Je ne serai pas là, vous m'attendez. C'est bizarre. Mais il y a quand même une dimension, et ça, Claude Chabrol le disait dans l'extrait qu'on a entendu, politique, même si c'est pas, il fait jamais de film à message, et l'idée n'est pas du tout de dénoncer quelque chose. On peut pas non plus faire complètement l'économie de ce type de réflexion. Non, tout à fait. Alors, il ne dénonce pas, il ne juge pas, il montre. Et c'est très intéressant parce que cette famille est plutôt, la famille Le Lièvre est sympathique. Elle est moderne. C'est une famille recomposée. Oui. D'une part, et d'autre part, ce qui est très intéressant par rapport aux deux autres personnages, c'est que c'est une famille qui a des liens. Elle a des liens entre elles, bien entendu, mais elle a aussi des liens extérieurs. Chacun va travailler, chacun mène sa vie. Le jeune garçon, il va en classe. La jeune fille est déjà partie. La femme a une galerie, etc. Ce sont des gens qui ont des liens. Et ça contraste avec ces deux personnages qui n'ont pas de liens et qui vont créer un lien entre elles. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que le personnage de la fille de la fille du couple va essayer, Melinda va essayer justement de faire communiquer ces deux mondes. Elle a un discours, on va dire entre guillemets gauchiste, vous faites exploiter, vous l'exploitez, etc., etc. Et en même temps, c'est très subtil parce que d'un côté, elle a ce discours-là, et d'un autre côté, elle se conduit comme une petite jeune fille gâtée, hein, où quand même elle demande à la bonne entre guillemets de lui repasser ses affaires, etc., etc. C'est-à-dire, elle a toutes les caractéristiques de la jeune bourgeoise, et elle ne s'en rend même pas compte. Hein. Elle tient ce discours, je vous dis, gauchiste, et en même temps, elle en a toutes les caractéristiques. Donc ça, c'est assez subtil, je trouve. Et c'est une grande force du cinéma de Claude Chabrol que de ne jamais sombrer dans le manichéisme. Absolument. Il n'y a pas les personnages de méchants et de gentils. Non. Si bien que dans le film, d'ailleurs, on évolue. On est d'abord du côté de la bonne et de la factrice, et puis à la fin, comme celle qui devient coupable et qu'on a envie d'être du côté des victimes, on ne sait pas où se situer. Absolument. Alors ça, voilà, ça, donc on est un spectateur, on n'est pas passif, quoi. Hein, on est toujours un peu dérangé même. On est dérangé, voilà. Et alors pourquoi disiez-vous que l'analphabétisme était le paradigme d'une époque ? En l'occurrence, le film sort en 1995. Voilà, alors ben, l'analphabétisme, c'est, je veux dire... Comme ils le disent très bien quand ils le découvrent, ils n'y pensent même pas. C'est impensable aujourd'hui, avec l'école, etc., etc., qu'il y ait des analphabètes. Or, il y en a, et il se trouve justement que j'en connais beaucoup. Oui, voilà, vous travaillez, ou peut-être encore, tout à fait, tout à fait. Et j'ai découvert qu'il y avait des enfants et des adultes analphabètes. Et puis ensuite, voilà, j'ai travaillé avec une femme qui a vraiment apporté beaucoup à ce sujet, donc je connaissais très bien. Donc effectivement, par rapport à l'époque, c'est ce à quoi on ne pense pas. Non. Hein, on ne pense pas à l'analphabétisme. Qui, évidemment, rétrospectivement, éclaire complètement le comportement de cette jeune femme, parce que on ne peut pas non plus s'avouer analphabète. C'est pas seulement que ça existe, c'est que c'est tellement impensable et tellement honteux qu'on ne peut pas le dire. Donc, effectivement, à notre époque, c'est assez spécial. Alors, il y a d'autres marqueurs, hein. Il y a par exemple la télévision. La télévision est un marqueur de classe extraordinaire, car la télévision est un instrument, hein, et selon la classe sociale à laquelle on appartient, on ne regarde pas la même télévision, puisqu'il y a plusieurs chaînes. Ouais. Hein. Si à l'époque, il y avait eu, vous savez, cette possibilité qu'on a sur un écran de voir toutes les chaînes en même temps, pour pouvoir choisir... En 2021, oui, on peut. Voilà, mais à l'époque, on ne pouvait pas. Je pense que si le film avait été réalisé plus tard, c'est ça qu'elle aurait regardé. Vous voyez ce que je veux dire ? Toutes les chaînes en même temps, c'est-à-dire, elle est littéralement hypnotisée par la télévision, et on voit bien que la famille Le Lièvre, elle, regarde la télévision, elle regarde un opéra, elle s'habille pour regarder un opéra, c'est deux mondes. Alors, Claude Chabrol, sur le plan cinématographique, a trouvé un autre barrage, qui est justement la barrière qui marque l'entrée dans la maison. Hein. Ce passage de la barrière par les voitures a été pour lui un marqueur cinématographique du passage d'un monde à l'autre. Voilà. Et c'est vrai que même la chambre où elle habite, elle n'entre pas par la même porte, elle doit monter des marches. Exactement, donc on voit visuellement à quel point il y a deux mondes. Hein. Mais on ne dit pas il y a deux mondes, on montre qu'il y a deux mondes et on le voit très bien. Ce qui est très réussi dans le film, c'est qu'on n'apprend pas tout de suite l'illettrisme ou l'analphabétisme. D'ailleurs, il y a une différence entre les deux ou les deux mots sont synonymes? Oui, il y a une différence, c'est-à-dire qu'il y a des personnes... Ça arrive encore dans le monde, qui n'ont jamais été enseignées. On ne leur a jamais appris à lire. Donc, elles ne savent pas lire parce qu'elles n'ont jamais été enseignées. Et il y a des personnes qui ont été enseignées, qui ont été à l'école normale et qui n'ont pas pu apprendre à lire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, les seconds sont les analphabètes? Oui. Voilà. Et donc, ce qui est très réussi dans le film, c'est qu'on ne l'apprend pas tout de suite. Oui. Donc alors, ça, j'imagine, vous avez travaillé là-dessus. À quel moment est-ce qu'on va le découvrir? Ça, c'était le problème de cette adaptation. Il y a eu plusieurs problèmes. C'est-à-dire que dans le livre, par exemple, les deux personnages, donc la postière et la bonne, dans le livre de Ruth Rendell, quand je l'ai lu, ce sont des sorcières. Oui. C'est des femmes moches qui ont 60 ans. Enfin, c'est l'horreur absolue. Donc, c'était exclu de faire un film avec deux sorcières. Plus, il fallait transposer, etc., etc. Mais le problème du scénario, pratiquement le seul problème que j'ai eu vraiment, c'était de savoir à quel moment le spectateur apprend qu'elle est analphabète. Pas comment, parce que c'était assez facile de mettre en scène comment, mais quand. Est-ce que c'est avant les protagonistes ou après ou pendant? Voilà, donc c'est le seul problème vraiment scénaristique que j'ai eu. Donc j'étais à la campagne, j'ai appelé Claude, je lui ai dit écoute, voilà où j'en suis, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire? Et Claude m'a répondu, écoute, dans tel film, tel metteur en scène a fait ça. Dans tel film, il a fait ça. Dans tel film, il a fait ça. Autrement dit, il me disait, tout est possible. Ouais. Maintenant, tu te débrouilles. Tu fais ce que tu veux. Donc, en même temps, c'était très libérateur. J'ai beaucoup apprécié ça. Il ne me disait pas, il faut faire ça, c'est comme ça que je veux que ça soit, etc. Il me disait, voilà, dans le fond, tout a été fait. Donc, tu vas rien inventer. Donc, ne te fais pas de soucis là-dessus, mais prends une décision. Et finalement, vous avez décidé de montrer aux téléspectateurs voilà. Avant que Exactement. La famille ne l'apprenne. Exactement. Ça, c'est une scène incroyable, d'ailleurs. C'était vraiment le quand situer ça? Est-ce que c'était avant ou après? Voilà. Et effectivement, j'ai pris le parti de le situer avant. Et Claude a adhéré. Il aurait pu changer. Hein. Oui. Il aurait pu dire non, c'est pas ça que je voulais, etc. Mais ça fonctionne très bien parce que ça met le spectateur dans une position particulière au moment où on se rend compte que la jeune fille, Melinda, va découvrir l'analphabétisme que nous savons donc de la bonne de Sandrine Brunner. Je vous propose d'écouter la scène. Elle est assez glaçante. Oui. Tiens, on va s'amuser un peu. J'ai vu qu'il y avait un test marrant. Êtes-vous une salope? Ils vont pas avec le dos de la cuillère. 1. Il vous annonce qu'il est tombé amoureux d'un homme. A. Vous éclatez de rire. B. Vous lui faites passer un test HIV. C. Vous demandez le divorce. D. Vous demandez à connaître l'autre. E. Vous lui proposez de vivre à trois. Ou F. Vous exigez que cela reste secret. On va faire autrement. C'est vous qui allez me poser des questions. On verra quelle salope je suis. J'ai du travail, moi. Il y en a pour 5 minutes. J'ai pas mes lunettes. Assis, les voilà. Tenez. Vous êtes dyslexique? Hein? Excusez-moi. Je veux dire... Je savais pas... Vous pouvez pas lire? Vous savez pas? Vous auriez dû nous le dire, vous savez. Il y a plein de gens comme vous. L'autre jour, à la télé, j'ai fait une émission sur ça. Sur l'analphabétisme. Il y avait un médecin et une femme. Elle racontait qu'elle avait trouvé le moyen de soigner les gens comme vous. Même beaucoup plus vieux. Elle a écrit un livre. Je suis sûre que mon père vous enverrait la voir à Paris. Si vous répétez à quelqu'un le mot que vous avez dit, je raconte à votre père que vous êtes enceinte. Quoi? Si vous parlez, je raconte tout. C'est pas moi la salope. C'est vous. Vous n'avez qu'à pas vous mêler de ce qui vous regarde pas. C'est la scène où Melinda, découvrant que les verres des lunettes sont transparents, lui dit « Mais vous êtes dyslexique ?» qui m'a le plus impressionnée. Le spectateur qui ne connaît pas ses troubles pense que la réaction de Sophie s'explique par le fait qu'elle se sent découverte, dévalorisée, humiliée, mise à nu par le dévoilement de son secret. Pour moi, il s'agit de tout autre chose. C'est comme si une trappe interne, un trap psychique, s'ouvrait sur le vide. Avant, elle avait des garde-fous pour ne pas sentir cette angoisse responsable de la sidération que j'appelle parfois l'angoisse linguistique. Ce n'est pas l'impossibilité à utiliser l'écrit qui provoque cette angoisse, mais une prise de conscience fugitive du fonctionnement primaire, primitif, primordial du langage. C'est cet abîme qu'elle entrevoit dans la scène où elle pleure d'impuissance parce qu'elle ne peut déchiffrer le message qui lui est destiné. Mais c'est encore plus perceptible quand Melinda lui dit « Vous êtes dyslexique ?» On ne s'étonne pas de la suite, elle aurait fait n'importe quoi. Ça m'a fait rire de lire que Chabrol trouvait que La Cérémonie était un film marxiste. Était-ce une boutade ? Pour moi, c'est un film linguistique. Caroline Eliachev, qui est Gisèle Gelbert, l'auteur du texte que je viens de lire? Alors, Gisèle Gelbert est une neuroaphasiologue que j'ai rencontrée il y a maintenant une trentaine d'années et qui est d'ailleurs souvent venue à France Culture pour exposer ses travaux. Et dans l'extrait que vous avez lu, effectivement, j'ai fait une interview d'elle à la sortie du film. D'abord parce que c'est grâce à elle que finalement Claude m'a demandé d'écrire ce scénario, et parce que effectivement, elle a une vision de ce qui s'est passé qu'elle connaît de l'intérieur, puisque elle a rencontré des analphabètes et elle a mis au point des méthodes de rééducation. Elle a une école où elle forme des orthophonistes. À ma connaissance aujourd'hui, elle est la seule personne qui véritablement permet à ces personnes d'accéder à la possibilité de lire et d'écrire, sous réserve qu'on ne prenne pas trop tard, c'est-à-dire que les personnes ne soient pas totalement organisées. Alors effectivement, sans savoir tout ça, Sandrine Bonner l'a exprimé d'une façon incroyable. Les spectateurs comprennent normalement, si vous voulez, que effectivement, d'abord c'est une bascule dans le scénario. Elle est découverte, elle est capable de n'importe quoi, mais elle a aussi exprimé ce que Gisèle Gelbert, que vous avez lu, exprime, c'est-à-dire c'est ce qu'elle appelle l'angoisse linguistique, c'est-à-dire une trappe s'ouvre, et on le voit sur le visage de Sandrine, ce qui est absolument extraordinaire. Voilà. Oui, parce qu'à un moment dans le film, cette fameuse scène où le spectateur comprend qu'elle ne sait pas lire, on la voit essayer de prendre sa respiration, de décoder un message avec des doigts, de comparer la liste de courses avec les courses qu'il y a déjà dans le placard pour voir si les mots peuvent correspondre, et on sent cette angoisse, cet abîme qui s'ouvre. Exactement. Et on le voit sur son visage. Alors, on voit en même temps à quel point elle est intelligente. C'est-à-dire elle cherche des moyens, et donc j'avais donné pour le film le fameux livre de lecture, vous savez, avec le Borel Mezzoni. Oui, elle semble apprendre, elle essaye d'apprendre à lire avec les doigts, mais c'est pas non plus le langage des sourds-muets, c'est ça? Non, pas du tout. C'est une méthode d'apprentissage de la lecture, et on voit parfaitement ce que Gisèle Gelbert décrit, c'est-à-dire ça n'accroche pas. Il y a la consonne P et il y a le A et ça n'accroche pas, c'est-à-dire ça fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et on le voit d'une façon absolument extraordinaire, y compris avec l'angoisse que ça provoque, c'est-à-dire elle comprend qu'il faut faire ça, mais elle ne peut pas le faire. Comment ça se passe dans la tête de la personne à ce moment-là? C'est un problème neurologique? C'est un blocage psychologique? Non, ça n'est pas un blocage psychologique. C'est un problème neurologique qui donc, Gisèle Gelbert, elle, a des moyens pour rééduquer ça, mais ça n'est absolument pas psychologique. Alors que, si vous voulez, moi, les premiers enfants que j'ai reçus en CMP qui avaient ce problème-là, on me les envoyait parce qu'ils étaient déprimés. Et donc, moi, je suis assez capable de les sortir de la déprime, mais sortis de la déprime, ils n'arrivaient pas à apprendre à lire. Et donc, je me disais, mais il faut que je trouve quelque chose, je ne peux pas les laisser dans cet état. Et donc, j'ai fait la tournée des pédopsychiatres de France pour savoir s'il y avait quelque chose à faire. Et ils me disaient, mais non, Caroline, ce que vous faites, c'est très bien, etc. Et puis, finalement, il y a une orthophoniste avec qui je travaillais qui me disait, tu sais, il y a une dame là, elle est à 200 mètres, tu devrais aller la voir parce que peut-être qu'elle a quelque chose, qu'elle peut te proposer quelque chose. C'est comme ça que j'ai rencontré Gisèle Gelbert pour le premier enfant qui est le cas princeps de ces troubles. Et donc, si vous voulez, quand j'ai lu l'analphabète, moi j'étais tout à fait au point. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire avec Sandrine Bonner, si vous voulez, c'est qu'on ne lui a pas expliqué tout ça. Hein, elle a vraiment, instinctivement, et je pense aussi, parce qu'on en a parlé ensemble après, elle s'est servie de ce qu'elle voyait chez sa sœur, hein, et là, elle a fait ensuite un livre sur sa sœur, etc., etc., mais je pense que cette connaissance qu'elle avait lui a servi aussi à composer le rôle, sans qu'elle en dise rien, bien entendu, ça n'était pas un sujet. Sa sœur qui est autiste, hein, c'est ça? Oui, enfin, qu'elle dit autiste, en tout cas, peu importe ce qu'on peut en dire, en tout cas, c'est comme ça qu'elle la voyait, et je pense que pour l'interpréter, elle s'en est aussi inspirée. Et iriez-vous jusqu'à dire, comme le dit Gisèle Gelbert, que c'est un film non pas marxiste, mais linguistique? Au centre du film le problème linguistique. Pour elle, oui, parce qu'elle le voit avec ses... Alors, ça n'est pas qu'un film linguistique. Justement, la caractéristique de ce film, c'est qu'on peut le voir de toutes sortes de façons. Alors, je touche du bois, je crois qu'elle est pas mal. Pas mal. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Mais elle parle pas de la télé, crétinus. Je parlais de la nouvelle bonne, mon cher. Mais Kouka, t'as pas honte, la bonne, c'est humiliant. Enfin, comment faut-il l'appeler? Elle s'appelle comment, d'abord? Sophie. Malheur. Mais je sais pas, mon employé de maison, gouvernante. Tu me vois en train de dire ma gouvernante? Sérieusement, ma chérie. Bonne, c'est un terme assez gratifiant, tu sais. Bonne. Bonne à tout faire. Bonne à tout faire. Qui peut s'en vanter? T'es idiot. Je vais faire la cuisine, la boniche. Gilles, on fait la messie, après ça nous échappe. Elle est pas trop moche, au moins. J'ai pas remarqué. En tout cas, elle est pas monstrueuse. Sinon, je m'en serais aperçue. Bon, en tout cas, vous allez pouvoir la juger sur pièce à partir de mardi. Alors, elle est bien. Écoute, jusqu'à maintenant, elle est épatante. Je croise les doigts. Hein. En tout cas, tout est rangé et la cuisine est simple et bonne. Ouais. Et toi, elle te plaît, le gastronome? Ça va, ouais. Faudra peut-être quand même y apprendre à servir. Bah, elle sait certainement. On peut quand même pas lui faire passer un examen. Tu sais, ta boniche, elle commence à me courir singulièrement sur le haricot. Ce n'est pas une secrétaire, Georges. S'il était plus maligne, peut-être elle ne ferait pas le ménage. Tu ne te rends pas compte à quel point elle a changé. Il y a des moments, elle est à la limite de l'insolence. Ces dames, les bonnes et madame déconnent, comme moi chaque matin devant la glace quand je me rase, ou la nuit quand je m'emmerde, ou dans un bois quand je me crois seul. C'est un conte, c'est-à-dire une forme de récit allégorique qui avait peut-être pour premier but, quand je l'écrivais, de me dégoûter de moi-même en indiquant et en refusant d'indiquer qui j'étais. Le but second, d'établir une espèce de malaise dans la salle. Un conte, faut à la fois y croire et refuser d'y croire. Mais afin qu'on y puisse croire, il faut que les actrices ne jouent pas selon un mode réaliste. Sacrées ou non, ces bonnes sont des monstres, comme nous-mêmes quand nous nous rêvons ceci ou cela. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de La Cérémonie, le film de Claude Chabrol qui sort en août 1995. Chabrol dit d'ailleurs, c'est une très bonne date, très adéquate. Les gens retrouvent leur maison avec leur bonne qui les attend après avoir vérifié que les poussières étaient bien faites. Madame jette un coup d'œil au programme de cinéma. Elle emmène sa famille voir La Cérémonie. On est en droit d'espérer qu'en rentrant chez eux, ils seront nettement plus gentils avec leur bonne. Alors, ce qui est assez fascinant, Caroline Eliachef, c'est que dans l'extrait qu'on a entendu, c'était un montage de toutes les fois où il est question du mot « la bonne » dans le film. Une des premières questions qu'on pose à la mère quand elle a recruté la bonne, c'est mais est-ce qu'elle est belle ou pas? Et elle dit bah je sais pas. En tout cas, elle est pas monstrueuse. Dans le court texte qu'on a entendu ensuite, qui est un extrait de Jean Genet, qui a écrit une pièce qui s'appelle Les Bonnes, et il a écrit un court texte pour dire comment jouer les bonnes, il dit « Sacré ou non, ces bonnes sont des monstres », il reprend le même terme, « comme nous-mêmes, comme quand nous rêvons ceci ou cela ». Est-ce que ce terme de monstre, vous l'avez employé à dessein, j'imagine? On se dit que ces femmes qui vont devenir criminelles ont quelque chose de monstrueux. Je pense aux sœurs Papin, je pense à tous ces faits divers qui ont pu inspirer les choses. Est-ce que le terme de monstrueux est quelque chose que vous avez choisi à dessein? Pas du tout. Alors effectivement, que ce soit les bonnes de Genet ou la cérémonie, on peut tout à fait penser aux sœurs Papin. Il y a des différences et il y a des points communs. Alors rappelez-nous peut-être les sœurs Papin. Le crime des sœurs Papin a lieu en 1933. Il s'agit effectivement de sœurs. Elles sont bonnes et elles vont sauvagement tuer leur employeur qui est Madame Lancelin et sa fille Geneviève. Mmh. Donc ça c'est le crime des sœurs Papin qui a eu un énorme retentissement avec l'idée que justement il s'agissait d'un crime contre la bourgeoisie et certains ont pensé ça, en particulier les surréalistes, et les psychiatres ont montré que c'était un crime paranoïaque. Selon le type de chaque crime correspond à une structure. Hein. Voilà. Alors quand Jean Genet dit ça, je voudrais vous lire. C'est très très bref. Je vous en prie. Ce que dit un psychanalyste qui s'appelle Serge André. Voilà ce qu'il écrit. La part, puisque ce que Jean Genet met en avant, c'est le côté, c'est pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé aux sœurs Papin? Parce que pour lui, il y a une part autobiographique. Il le dit entre les lignes, mais c'est un peu ça que ça signifie. Et Serge André dit, la part autobiographique d'une œuvre n'est pas un reportage au cours duquel je se prendrais pour objet. C'est une exploration de l'inconnu au cours de laquelle le narrateur rencontre au détour du chemin, une sorte de double qui l'extrait de lui-même et le prolonge au-delà de lui-même. Voilà, je pense que cette phrase, on peut l'appliquer à tous les films de Claude Chabrol. Autobiographique alors ? Oui. Ah oui ? Oui, c'est-à-dire que... Alors, il y avait on s'amusait avec Claude Chabrol quand on parlait ensemble. Il me disait toujours « je n'ai pas d'ego ». Et donc, ça me faisait rire. Il me disait ça pour rire. Hein, et... Vous voulez dire que c'était une antiphrase ? Ben, je ne sais pas, justement. Alors, au début, je rigolais. J'essayais pas de lui démontrer qu'il avait un ego, parce que de toute façon, c'était peine perdue. Et en réfléchissant, j'ai compris que ce qui était important dans ce qu'il me disait, c'est pas ego, c'est je n'ai pas. Je n'ai pas. Et je pense que... Il y a Genet. Il y a Genet, exactement. Mais il y a aussi... Alors, j'ai pas pensé à Genet sur le moment, mais à je n'ai pas. Et je pense qu'effectivement, ce je n'ai pas, C'est ça qui lui permettait de créer, c'est-à-dire de combler ce « je n'ai pas », de chercher ce qu'il n'avait pas et qu'il pouvait mettre en scène effectivement autour des femmes, etc., etc. C'est une interprétation personnelle, mais il m'a répété tellement de fois « je n'ai pas d'ego » que finalement je me suis mise à réfléchir à cette question. Qu'est-ce qu'il voulait me dire, en rigolant bien sûr, parce que d'abord il était pas dans la dérision, mais voilà, c'est quelqu'un qui aimait rire. Hein. Et je pense qu'il a trouvé dans la féminité et dans le crime quelque chose qui pouvait nourrir ce je n'ai pas et qui lui permettait, lui créateur, d'en faire quelque chose. Ce qui est vrai, c'est que dans ce film, ainsi que les deux autres auxquels vous avez participé scénaristiquement, Caroline Eliachef, Merci pour le chocolat, qui paraît en 2000, et La fleur du mal, qui paraît en 2003, ce sont des femmes criminelles. Oui, absolument. Pourquoi vous croyez? Il y a une spécificité du crime féminin? Il y a une spécificité. Alors, dans tous ces films, elles n'ont pas forcément la même structure. Elles ont en commun d'être des femmes. Hein. Je pense que, alors, dans la filmographie de Claude, il y a des hommes aussi, oui, qui sont. Jean-Yann, on en parlait. Voilà, exactement. Donc, si on réunit, je pense que Claude avait peut-être plus de facilité ou plus d'envie d'exprimer des choses à travers les femmes qu'à travers les hommes, bien qu'il l'ait fait des deux. Donc, vous voyez, c'est... Mmh. Voilà. Alors, la caractéristique de ces trois films, c'est on peut tout oublier, mais rien ne s'efface puisque tout se répète. Voilà. Le pitch de ces trois films... On peut tout oublier, mais rien ne s'efface puisque tout se répète. Voilà. Donc, il n'y a pas d'oubli, au fond, quand même. Exactement. Ces trois films, ils sont dans cette phrase-là, avec des scénarios très différents et des personnages très différents. Mais ce qu'il y a de glaçant, on va entendre un extrait de La Fleur du Mal dans un instant avec un très très beau dialogue justement. Ce qu'il y a de glaçant, c'est quand vous dites qu'il y a quelque chose d'autobiographique, parce que c'est ce que je disais en début d'émission. Claude Chabrol dit « je travaille en famille, c'est la famille », mais les familles qu'il dépeint ici sont des familles qui s'empoisonnent, qui s'assassinent. Oui, c'est pas là que c'est autobiographique. Ce que je pense autobiographique, c'est la recherche qu'il fait de quelque chose qui le dépasse. Et je crois que vous allez recevoir demain Isabelle Huppert. La relation de Claude Chabrol avec Isabelle Huppert, c'est aussi ça. C'est-à-dire que il me semble, il le dit d'ailleurs, Isabelle Huppert lui fait découvrir quelque chose qu'il ne savait pas. Et c'est ce qu'il aime chez cette actrice en particulier, qui est assez exceptionnelle, il faut dire. Mais, donc il choisit Isabelle, qui accepte toujours de tourner avec Claude Chabrol, et elle lui fait découvrir, à travers le scénario qu'il lui propose, quelque chose qu'il ignorait de lui-même, mais qu'il ne va pas dire dans le film. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est pas autobiographique au sens où... Il raconte pas sa vie, c'est pas ça l'enjeu. Pas du tout. C'est pas du tout de raconter sa vie. Hein. C'est à travers ces femmes, le crime, c'est la chose la plus mystérieuse qui soit pour lui, pour les femmes aussi, hein. Les femmes sont mystérieuses, il n'y a pas que pour les hommes. Hein. Il va au-delà de lui-même. Il va au-delà de lui-même, mais il y a toujours un voile qui en cache un autre. Hein. On n'arrive jamais à la découverte. C'est ça qui est assez exceptionnel chez Claude Chabrol, chez d'autres réalisateurs aussi, mais chez lui en particulier. Le cinéma est propice à, justement pour montrer ce genre de choses. Mais est-ce que du coup le terme de monstrueux s'applique au criminel? Non, à mon sens, non. Le criminel n'est pas, enfin, le crime est monstrueux. Le crime des sœurs Papin est monstrueux. Hein, elles ont arraché les yeux, etc., etc. Le crime que l'on voit dans la cérémonie est monstrueux. Elles n'en ont aucun regret. Elles enjambent les corps comme si de rien n'était. Mais l'être humain n'est pas monstrueux. C'est ce que dit Genet. Hein. Il dit ces bonnes sont des monstres comme nous-mêmes. Exactement. Alors ça nous renvoie à quelque chose que, si vous voulez, dans la vie, c'est assez rare à un moment ou à un autre de pas avoir envie de tuer quelqu'un, je trouverais bien. Pour autant, on n'est pas très nombreux quand même, et heureusement, à passer à l'acte. Ça fait de nous des monstres, oui, c'est ça. Voilà, donc il y a de la monstruosité en nous parce que nous sommes humains, pas parce que nous sommes inhumains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, la monstruosité se trouve dans l'humanité, au fond. Exactement, exactement. Il faut que tu prennes sur toi, ma chérie. Il faut que tu m'aides. Écoute-moi. Tu n'as rien fait, tu m'entends? Tu n'as rien fait. Tu vas m'aider à transporter Gérard dans sa chambre. Tu tiens la force. Je sais pas. Je te supplie, il faut que tu m'aides. Je ne peux pas le transporter toute seule. Tu as confiance en moi? Bien sûr, tante Lynn. Écoute-moi bien, ma chérie. C'est moi qui ai tué Gérard, tu m'entends? Ce n'est pas toi, c'est moi. Mais tante Lynn, je peux pas te laisser faire ça. Si. Tu ne comprends pas, mais c'est une chance extraordinaire pour moi. Ça fait 60 ans que j'attends. Tous les jours, j'espérais que quelque chose... Je ne sais pas comment m'expliquer. C'est impossible, tante Lynn. Mais je comprends. Tu comprends, c'est pas pour toi. C'est pour moi. C'est même pas pour moi. J'ai compris, tante Lynn. Je commence à ressentir la même chose. Et toi, tu as encore ton François. Il va t'aider. Moi, j'étais toute seule. C'était dur, tu sais. Mais maintenant, je vais être enfin débarrassée. Débarrassée, libérée. C'est rigolo. On va mentir à tout le monde. Moi, je veux pas mentir à François. Je veux pas vivre avec lui dans le mensonge. François, oui, d'accord. Mais personne d'autre, hein, tu me le jures, personne. Regarde-moi dans les yeux. C'est moi qui ai tué Gérard Vasseur. Je l'ai tué parce que... Parce que c'est un horrible salaud. Je trouverai. Quand je pense que t'as retenu tout ça en toi pendant si longtemps. Ma petite chérie, le temps n'existe pas, tu verras. C'est un présent perpétuel. Quelle phrase, ma petite chérie, le temps n'existe pas, tu verras, c'est un présent perpétuel. C'est vous qui l'avez écrite, Caroline Liachef, cette phrase? Il me semble, oui. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, hein, sur le fait que dans ces films, rien ne s'oublie parce que tout se répète. Exactement. Alors pour ce scénario, Claude m'avait dit, voilà, je veux raconter l'histoire d'une femme qui... Donc c'est La Fleur du Mal. Hein, oui, on 2003. Parle de La Fleur du Mal, absolument. Je veux raconter l'histoire d'une femme qui a été acquittée pour un crime qu'elle a commis et qui va s'accuser d'un crime qu'elle n'a pas commis. Voilà, vas-y. Et donc, c'est exactement ce qui se passe. Hein. C'est exactement ce qui se passe. Sauf que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'imagination. Les deux autres scénarios étaient des adaptations. Et donc, j'y arrivais pas. Donc, bon, voilà, je suis obligée de reconnaître mon impuissance. Et donc, je vais voir Claude en disant, écoute, j'y arrive pas. Soit tu le confies à quelqu'un d'autre, mais si tu m'autorises, je peux demander à une amie romancière si elle veut bien écrire le scénario avec moi. Elle me dit, vas-y. Et donc, j'ai demandé à Louise Lambrix, qui est donc romancière, et c'est elle qui a imaginé la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'étais totalement incapable. Je n'ai aucune imagination. Je m'en suis aperçue, à cette occasion, parce que dans la vie habituelle, ça me manque pas tellement. Ouais. Voilà. Donc, c'est comme ça que ce film a été conçu. Mais c'est très fort ce que dit le film, parce que donc on a Michel, joué par Mélanie Doutet, qui tue par accident Gérard, joué par Bernard Lecoq. Ouais. Tante Lynn, c'est Suzanne Flon, va profiter de la mort de Gérard pour se faire accuser et purger une peine, donc pour un crime qu'elle n'a pas fait. Mais à cette occasion, elle avoue à Exactement. Michel qu'elle a tué son père, qui avait collaboré avec les Allemands, qu'elle a fait fusiller son frère. Et en fait, elle veut payer pour un crime qu'elle n'a pas commis. Oui. Mais elle se rend pas compte qu'à ce moment-là, elle lègue la même chose à cette fille, Exactement. Qui elle-même ne va pas purger la peine d'un crime qu'elle a commis. Exactement. C'est une répétition. Et c'est une répétition. C'est un peu compliqué, hein. La Fleur du Mal, c'est un film à trois temps, hein. Quand on l'analyse, il y a trois types de lieux, trois couples, etc., etc. Et voilà, c'est assez amusant de le décortiquer comme ça, mais en même temps, on peut le regarder tranquillement. Oui, non, mais surtout, il y a la question de la culpabilité qui est très importante, parce que Chabrol le disait, mais je crois à propos de la cérémonie, il disait, on a l'impression que la culpabilité découle du simple fait d'exister. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait dire quasiment de tous ces personnages, au-delà de la lecture politique. Marxiste, voilà, est-ce que la culpabilité, c'est d'être du côté des riches quand il y a des pauvres à côté, ou au contraire, c'est d'avoir tué des riches quand nous-mêmes on est pauvres, ou est-ce que la culpabilité arrive du simple fait d'être né, ce qui serait un positionnement quasiment existentiel? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je pense que c'est la position de Claude Chabrol, et que cette culpabilité a l'air de s'appliquer à telle ou telle chose. Hein, c'est une rationalisation de la culpabilité, mais elle est effectivement consubstantiel à l'être humain. Un être humain qui ne connaît pas la culpabilité, ça serait même assez dangereux. Ah bon, pourquoi? Écoutez, parce que si justement vous avez envie, si vous n'êtes pas trop névrosé, que vous avez envie de tuer quelqu'un, la culpabilité que vous ressentez même à le penser va vous retenir, et peut-être encore plus à le faire. Donc il y a une culpabilité parfaitement utile. Il y a une culpabilité inutile, c'est-à-dire que vous vous sentez coupable mais vous ne savez même pas de quoi. Et ça vous inhibe complètement. C'est une culpabilité inutile. Voilà. Donc il y a plusieurs aspects dans la culpabilité, mais quelqu'un qui ignorerait la culpabilité, c'est un type de structure effectivement paranoïaque, pervers, etc., etc. Le paranoïaque ne connaît pas la culpabilité. Ce sont les autres qui sont coupables. Enfin, il la connaît par projection. Ça, c'est le personnage d'Isabelle Huppert dans La Cérémonie, justement. Oui, absolument. Qui tient les autres responsables de son propre malheur. Absolument. Qui elle-même ne se sent pas coupable alors qu'elle a vraisemblablement tué sa propre fille. Exactement. Mais c'est à ça que sert le cinéma aussi. C'est sans doute pour ça que les films de Chabrol sont si jouissifs. C'est que cette culpabilité qui a un écho en nous tous prend une forme spectaculaire au cinéma. Absolument. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le personnage d'Isabelle Huppert, c'est que cette paranoïa, elle paraît presque normale. Vous voyez pas un grand délirant, etc. Non. Hein, c'est très fin. Hein, quand elle dit que Madame Lelièvre lui a pris un rôle qu'elle devait faire, on se dit elle débloque complètement. Ça va pas. Mais c'est très logique. Hein. Cohérent, comme vous disiez. Cohérent. Mais c'est plus que cohérent, c'est logique. C'est un délire logique. Et donc, on s'en aperçoit pas. On va écouter un dernier son ensemble, Caroline Eliachev. C'est la voix de Claude Chabrol qui raconte comment vous travaillez. Voilà comment ça s'est passé, là, l'historique. J'apprends qu'un personnage qui m'intéressait depuis longtemps, qui était Lizzie Borden, c'est la jeune femme à la hache, celle qui avait tué ses parents à l'âge de 20 ans, j'ai appris avec surprise qu'elle a vécu jusqu'à plus de 80 ans. Et je me suis dit, c'est quand même formidable, comment a-t-elle vécu? Qu'est-ce qui a pu se passer? Alors c'est parti de là, je me suis dit, un personnage qui a un passé qu'il supporte par le présent. Et là-dessus, bon, j'en parle à Caroline, je crois qu'elles sont allées au bord de l'eau, à la plage, et elles sont revenues avec un travail a priori un peu disparate, mais qui pour moi était l'idéal, c'est-à-dire une structure de construction, des personnages qui n'étaient pas encore bien nets, mais qui commençaient à l'être, une documentation gigantesque sur les élections municipales, les trucs dans les HLM et tout ça, quelques scènes écrites d'autres noms. Et avec ça, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai dit, inutile d'aller plus loin, les filles. Ça va, je me sens bien. C'est formidable de l'entendre parler de cette collaboration, parce que voilà, les filles, donc vous et Louise, donc, oui. Elles sont allées au bord de l'eau, elles m'ont écrit un petit scénario, et puis tout va bien. Oui, en fait, effectivement, il y a eu beaucoup de documentation. J'ai suivi, en particulier, Martine Aubry dans une campagne municipale, etc. J'ai fait une vraie enquête. Moi, ça m'a beaucoup amusée, évidemment. Donc, c'était un plaisir, j'imagine, de travailler avec lui. Oui, c'est drôle ce qu'il dit, parce que la première fois qu'il m'a demandé un scénario, moi j'avais une crainte, c'est que, parce que quand même par ailleurs je travaille beaucoup, c'est pas mon métier, etc. Mmh. J'avais une crainte, c'est qu'il me demande la séance de travail. On se met ensemble, on parle des heures, etc. Et lui avait une crainte, c'est que la fameuse séance de travail. Mais je ne le savais pas. Donc moi je travaille de mon côté. Je lui remets le scénario et voilà, c'était terminé et on était tous les deux très contents parce qu'on ne voulait surtout pas avoir à discutailler autour du scénario. Il fallait juste le faire. En tout cas, merci beaucoup d'être venue en parler ce matin, Caroline Eliachev. Vous pouvez regarder la cérémonie notamment dans le coffret Claude Chabrol Suspense au féminin, édité par Carlotta. Qui compile plusieurs films, on trouve aussi Merci pour le chocolat notamment, vous pouvez vous procurer ce coffret. La filmographie de Claude Chabrol est gigantesque, 57 films, je le disais hier, pour le cinéma, 30 pour la télévision. Mais bon, en fait, on peut rentrer dans l'œuvre par n'importe quel film, ça fonctionne toujours très bien. Et je précise, Caroline Eliachev, que l'article que vous aviez écrit dans un livre qui était paru aux éditions Albin Michel, Qui est criminel, de Zelleu, va reparaître dans une version remaniée dans la revue Figure de la psychanalyse ce mois-ci. C'est ça? C'est ça. Très bien. Eh ben, merci d'être venu en parler ce matin. Merci à vous. On se quitte avec le Don Giovanni de Mozart pour vous repasser la cérémonie. Mozart, nous voilà. T'as branché le magnéto ? Ouais, c'est fait. Et puisque finalement nous ne l'avons pas dit pendant l'émission, Caroline Eliachev, la cérémonie, eh ben, c'est le terme qu'on emploie pour désigner l'exécution capitale. Relisez Jean Genet, c'est lui qui en parle. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. A-t-on encore le droit de faire des comparaisons avec les années 30 après le point Godwin? Nous sommes en tout cas moins d'une semaine après ce qui ressemble le plus dans tout ce qu'on a pu voir depuis bientôt un siècle à l'incendie du Reichstag. Et sur les réseaux, on ne parle quasiment plus que de cet autre putsch qui a consisté à bannir Trump de Twitter. L'humeur du moment, sordide, sur le Twitter francophone de François Ruffin à Peggy Sastre est en effet à la défense intransigeante, absolue, de la liberté d'expression. On voit même réapparaître cette stupide citation apocryphe de Voltaire « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous pensez, mais je me battrai à mort pour que vous puissiez le dire », ce qui donne, actualisé, « Je ne suis pas d'accord avec votre tentative de coup d'état fasciste, mais je me battrai à mort pour que vous puissiez l'organiser quand même ». L'opinion éclairée, la même qui n'a vu venir ni Trump, ni le 6 janvier 2021, et qui n'a pour elle que la fragile victoire de Biden, continue à vouloir descendre dans l'arène et à défier les fascistes à la loyale, comme si on pouvait encore se permettre d'autres défaites. Est-ce que ce n'était pas déjà le projet de certains en 1933, faire que le parti nazi en perte de vitesse se ridiculise définitivement dans l'exercice du pouvoir, ce qui s'est produit, bien sûr, mais cela aura quand même pris 12 ans et 50 millions de morts. La liberté d'expression, c'est un fait malheureux, les fascistes l'utilisent souvent mieux que les démocrates. Les cornes de bison de l'insurgé du Capitole ont mieux imprimé nos imaginaires que les plates converses de Kamala Harris. Et donc vous estimez que Twitter a bien fait de fermer le compte de Donald Trump ? Non seulement Twitter a bien fait, mais cela ne devrait même pas faire l'objet de débats, sans exonérer pour autant le rôle dévastateur qu'ont pu avoir les réseaux sociaux. Mais de là à défendre le compte de Trump au nom de la liberté d'expression pour s'en prendre au monopole de ceux-ci, c'est exactement la même chose que si, au lendemain de l'incendie du Reichstag, on avait écrit « Certes, les nazis exagèrent, mais je tiens pour également responsable, sinon plus, les mauvais choix opérés dans les matériaux de construction du Reichstag ». Et oui, je suis désolé de m'enfoncer ainsi dans l'enfer de Godwin, mais je crois qu'on a enfin la réponse à la question préférée des amateurs de paradoxes temporels. Fallait-il tuer Hitler enfant ? La réponse, les défenseurs obsessionnels de la liberté d'expression viennent de nous la donner. Il ne fallait en aucun cas tuer Hitler, ni en 1889, ni en 1932, et encore moins peut-être en 1932 qu'en 1889, car dans l'ontologie paresseuse de nos contemporains les plus libéraux, ces sortes de casuistes électroniques de la Rome finissante, l'infanticide est moins grave que le déni de démocratie, et empêcher le président américain de demander à ses supporters, à mots à peine voilés, de prendre d'assaut le Capitole, action qui eut, qu'on ne l'oublie pas, comme conséquence directe la mise à mort d'un policier avec un extincteur, ce serait être un fasciste soi-même. Il faudrait faire preuve de modération précisément ici, en ne modérant pas les appels répétés du plus célèbre des utilisateurs de Twitter au meurtre. Donc si je vous suis bien, les années 30 sont devant nous, ça exige d'agir en conséquence. Alors, l'édition de Mein Kampf qu'on peut se procurer aujourd'hui en librairie comporte un avertissement pour le moins ambigu. Ce serait le fac-similé d'une traduction voulue par l'état-major français pour alerter les consciences en 1934. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ceux qui défendent aujourd'hui la liberté d'expression de Donald Trump me font penser à ce mystérieux état-major dont on aurait aimé qu'il excelle moins dans ce genre de tactique douteuse et plus dans sa stratégie anti-nazie de 1940. Merci Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier avec Manon Delasselle, Baptiste Botella, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Esther Valensic et Nicolas Berger à la réalisation, Vincent Schmitt à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Claude Chabrol, cette dissection du réel. Demain, nous serons en compagnie d'Isabelle Huppert. Ce sera l'occasion d'évoquer sa filmographie en compagnie donc de Claude Chabrol, voir ce qu'être dirigé par lui a pu changer à sa pratique du jeu et à sa conception du jeu. Ce sera demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission, notamment via l'application Radio France, qui vous permet d'écouter les émissions en direct et en téléchargement. Vous pouvez aussi regarder les DVD de Claude Chabrol, notamment dans le coffret édité par Carlotta, hein, Claude Chabrol Suspense au féminin, qui vous préparera pour l'émission de demain. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, où on adore lire vos commentaires et répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.